comme il est tard, n'est-ce pas, et que la salle se vide, ce qui est logique, je vous propose une synthèse impressionniste et personnelle. D'accord ? Et courte. Une dizaine de minutes au grand maximum. Donc, pour commencer, je voudrais dire deux mots sur ce que disait Claude Didéry tout à l'heure, ce matin. L'industrie est au champ. Alors, l'industrie est au champ, bon, c'était au 19e, ou avant, mais maintenant, on pourrait penser que l'industrie est dans la rue. Enfin, je dis dans la rue, pas pour manifester, hein. Mais les activités se développent largement dans la rue, ou pour le dire autrement, sur les routes. Et c'est pas non plus pour parler des gilets jaunes. C'est pour dire que ce soit le système vert, que ce soit les livreurs, que ce soit les transports routiers, dont on parle pas ces temps-ci, mais on doit se souvenir quand même d'une décennie précédente où les transports routiers avaient joué un rôle social important. Et c'est un peu normal, mais ça doit nous questionner à plusieurs titres. Tout simplement parce que c'est aujourd'hui les mobilités, je ne parle pas non plus des mobilités à la Macron, hein, je parle des mobilités concrètes, réelles, du capitalisme actuel, qui sont peut-être stratégiquement au moins aussi importantes que la production le fut au 19e et au 20e siècle. Donc ça peut nous amener à parler peut-être de capitalisme fluide, ou de capitalisme liquide, puisque ça a déjà été utilisé pour d'autres raisons. Ce qui m'intéresse dans le capitalisme liquide, c'est pas qu'il soit liquide, c'est la transformation du travail et peut-être plus la transformation de l'emploi. Alors, cette question, on a beaucoup parlé du travail puisque c'était la journée, mais je pense qu'on ne peut plus dissocier le travail de l'emploi, encore moins qu'hier, et que l'emploi est en cours de transformation, mais qu'il ne faut rien exagérer. On est toujours à 15 ou 14% on est combien ? Oui, à peu près on est à 3 ou 4, combien c'est ? 15% de CDI, à peu près, enfin, pardon, 85% de CDI pour ce qui est du à peu près 85, 86, 87, et puis les autres qu'on peut appeler comme on veut, mais qui sont des emplois précaires, temporaires, etc. Et que de ce côté-là, ça bouge pas tellement, ou ça bouge très lentement, heureusement, mais qu'il faut quand même prendre en considération les effets que ça a été dit, mais je pense que c'est vraiment important, sur ceux qui restent en CDI. Les pressions du travail précarisé sous toutes ses formes sur les CDI est vraiment important. Et je prendrai un exemple grossier, mais facile à saisir. C'est ce qui se passe, par exemple, dans le low cost. Dans le low cost, la tentative des grandes entreprises, genre Air France ou la SNCF, c'est d'installer des entreprises, des firmes avec juridiquement indépendantes à la périphérie pour faire pression sur les salariés du cœur et pour transformer le travail avec, et c'est ça pour moi l'essentiel, la construction d'un nouveau tâcheronat, du retour au putting out system. Et ça me paraît vraiment une stratégie. Et c'est la stratégie de Macron, elle est, je pense, assez simple à décoder, où on préfère des gens, évidemment initiés par Sarkozy, hein, mais où on préfère des gens qui sont soi-disant indépendants, mais qui sont complètement subordonnés économiquement à un ou deux employeurs, mais en général à un seul employeur. Et cette transformation me paraît importante parce qu'elle est lourde et qu'elle n'a pas seulement lieu en France, elle a lieu partout. Le modèle allemand qu'on prétend toujours le super modèle qui réussit à tous les coups, vous savez très bien qu'il a au moins réussi ce coup-là, c'est d'avoir aujourd'hui plus de 10, on ne sait pas, enfin, entre 10 et 12% de travailleurs indépendants, ce qui est énorme par rapport à il y a 15 ans où c'était totalement marginal. Alors là, j'ai une question, mais c'est une question qui me préoccupe depuis longtemps, mais je n'ai pas la réponse, sinon je vous la donnerai. C'est quand même la signification théorique du retour au putting out system, c'est-à-dire comment on peut expliquer que le capitalisme, après sa maturation, on considère une certaine maturation au XXe siècle, retourne à des formes d'emploi et de travail du XVIIIe ou du XIXe siècle. Là, il y a une question théorique, je n'ai pas la réponse, mais c'est quand même ça serait certainement intéressant, et sûrement des choses à creuser, pourquoi on retourne au siècle précédent. Et j'ai bien du mal à saisir le pourquoi, mais enfin, ça doit se trouver. Voilà, donc c'est cette question pour moi qui est vraiment importante ici. Cette question. Alors, la deuxième thème que je voudrais aborder, c'est quand même ce dont on n'a pas beaucoup parlé, mais ce n'est pas ma spécialité, donc je vais sûrement peut-être aller jusqu'à la faute, c'est les rapports entre droit et État. C'est bizarre que sur une journée comme celle-ci, on n'a pas beaucoup parlé de l'État, on en a parlé en creux. Hein. Mais il faut quand même s'interroger sur ce qu'est l'État aujourd'hui, et la nature de l'État ou la nature des États. Alors je ne vais pas vous faire le cours théorique marxiste sur l'État, instrument de la classe dominante, parce que je pense qu'il faudrait quand même un petit peu dépasser tout ça. Et je vous renvoie, je reste persuadé que la meilleure définition ou le meilleur travail sociologique sur l'État, c'est celui de Nikos Poulantzas en 1978 sur justement l'État et ses transformations, au sens où il est lui-même traversé par les contradictions de classe, qui sont celles que l'on connaît, et qui est lui-même animé par ces contradictions, pas seulement traversé, mais il est aussi animé par ces contradictions de classe. La preuve, c'est qu'on est ici presque tous payés par l'État pour expliquer clairement qu'on n'est pas ni d'accord avec sa politique, ni d'accord avec l'ordre social qui nous entoure. Donc là, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Donc il faut en tenir compte pour analyser l'État. Ce qui n'empêche pas qu'il continue à être quelque part, évidemment, au service de la classe dominante, mais pas seulement. Et de ce côté, quand on travaille sur l'État un peu longtemps, on s'aperçoit, et c'est pas un scoop, que l'État-nation n'est plus ce qu'il était, et on se retrouve à parler quand même des systèmes supranationaux. Et là aussi, on n'a pas beaucoup parlé de l'Europe. Moi, j'ai pas beaucoup travaillé sur l'Europe et le syndicalisme et les organisations juridiques qui gèrent l'Europe, mais ce que j'ai pu faire avec les collègues belges, c'est quand même me rendre compte que la plupart des directives ont tendance de temps en temps à faire une avancée sur l'existant, et on l'a vu sur le droit des femmes il y a peut-être une dizaine d'années, mais on voit souvent que ce sont des avancées qu'on peut aussi appeler des reculades. Quand on dit, ben, par exemple, le travail de nuit, l'égalité homme-femme, et bien maintenant les femmes vont pouvoir travailler la nuit, je ne suis pas certain que ce soit une grande avancée sociale. On aurait mieux fait de traiter le problème par l'autre bout, mais on l'a traité comme ça. C'est la même chose enfin, sur plusieurs champs, où on s'aperçoit que les directives ne sont pas tout à fait l'alignement sur le moins-disant, heureusement aujourd'hui, mais pratiquement, quelque part, le moins-disant des pays occidentaux, on va dire. Hein. Je ne parle pas des pays de l'Europe centrale ou des pays de l'Europe de l'Est. Donc, on se trouve face à un État-nation qui a disparu qui a donc délégué une partie de ses pouvoirs à Bruxelles pour aller vite, sauf pour les droits, qui est le droit qui reste essentiellement un droit national, en particulier le droit du travail, un droit national. Et là, c'est évidemment facile à dire comme ça, mais on voit bien que c'est bien plus complexe que le droit national, ou les droits nationaux, qui font que c'est excessivement difficile d'organiser aussi les collectifs à l'intérieur des grandes entreprises. Quand on regarde dans les grands groupes internationaux, plutôt on regarde ceux à capitaux français, c'est plus simple, on comprend qu'ils sont très très mal organisés, pour X raisons. On manque de permanents. Quand on parle de traduction, les traductions sont faites par des professionnels qui ne connaissent à peu près rien, ni au droit, ni à la dimension sociale. Donc ce qui fait que les syndicalistes continuent à se parler difficilement, enfin, échangent, je pourrais dire superficiellement, ils ne peuvent pas aller au fond des choses. Donc on a toutes ces questions-là qui, pour moi, relèvent de quelque part de l'État. Et je pense qu'il faut peut-être le travailler un peu plus de mon point de vue, parce que c'est quelque chose qui manque largement. Alors, si on revient dans la logique la plus nationale, bon, évidemment, on a parlé des tentatives de mixage entre le droit de l'entreprise et le droit du travail. je pense que c'est important, l'idée de, que le droit du travail est subordonné à la logique de l'entreprise et à celle du profit. Et alors après, bon, qu'on discute avec Mélanie pour savoir si le cap de la flexibilité, c'est 1986 ou 1966, je veux dire, c'est pas ça qui va être central. Hein. Ce qui est central, c'est quand même de bien comprendre qu'on est effectivement dans un système qui subordonne le droit du travail à la logique de l'entreprise. Et on n'a peut-être pas beaucoup parlé, aussi on a parlé de la contre-révolution symbolique, bon ça mériterait une explicitation parce qu'elle est symbolique au début, mais après elle est factuelle, la contre-révolution, quand elle est fixée dans le droit. Mais c'est peut-être pas ça le plus important pour moi, c'est aussi un certain nombre de choses dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la transformation du capitalisme sur les 40 dernières années, où on avait... après la fin des fameuses Trente Glorieuses, on est quand même passé du plein emploi à une situation présente de durcissement des rapports de classe. Enfin, je pense que si on ne met pas ça, si on ne met pas le droit du travail, son application et les questions de l'emploi en perspective avec ce que j'appelle moi plus clairement une crise de l'accumulation du capital dans les pays les plus développés. Pas généralisé, parce que ça se passe autrement en Inde, en Amérique latine ou en Chine. Hein. Mais pour ce qui est de ce qui se passe chez nous, c'est bien sûr une crise de l'emploi, au moins pour un certain nombre de pays latins, et peut-être autres, mais bon, certains y échappent. Et on oublie toujours, vous le savez bien, que la démographie, par exemple, de l'Allemagne, la démographie nationale de l'Allemagne, et la française n'est pas du tout la même. Donc après, quand on voit qu'il n'y a plus de chômeurs en Allemagne et qu'ils ont besoin de faire venir les immigrés, on oublie simplement que les démographies sont complètement différentes. Mais ça, c'est qu'un détail. Voilà, donc il me semble qu'on doit contextualiser, bien sûr, et je crois que je ne vais pas tarder à conclure, simplement sur le fait qu'au-delà de cette contextualisation, il ne faut pas non plus oublier tout ce qui s'est dit un peu cet après-midi, et revenir à l'individu. Et ce qui a été dit tout à l'heure sur l'égalité femme-homme, qui a longtemps été mal interprété ou sous-étudié, c'est vrai. Mais une fois de plus, on ne peut pas échapper du point de vue des démarches. Et c'est un peu le problème qu'on a tous quand on est sur notre terrain. On ne peut pas échapper au souhait qui est bien d'organiser un va-et-vient entre les individus, les sujets et les comportements et les logiques contraignantes environnantes, hein, pour être politiquement correct. Ce qui montre, par exemple, ce qui a été très bien illustré tout à l'heure, par l'importance de la traduction du récit en ce qui arrive au tribunal, au prud'homme. C'est quand même très intéressant de voir comment cette traduction ne peut pas se faire, se fait très mal, et comment les deux niveaux interagissent. Et puis, évidemment, c'est visible, c'est transparent, dans la question des dispositions telles que c'est exprimé, certains ayant des dispositions pour aller se battre au prud'homme et d'autres en n'ayant pas. Mais quand on a parlé des dispositions, il nous reste à traiter, évidemment, le processus de construction des dispositions, ce qui est, bien sûr, la question de fond qui nous reste. Et je m'arrête là, puisque j'ai tenu mon petit quart d'heure. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci de conclure cette journée d'études par presque autant de questions qu'il en a été soulevé dans la journée, ce qui montre que, très loin d'être épuisé, le champ ne fait que commencer à être travaillé. Il me revient de conclure la conclusion, ce que je vais faire assez brièvement, en vous remerciant à tous d'être venus. Merci en premier lieu, évidemment, aux intervenants pour leurs interventions et la qualité de leurs interventions. Merci au public qui s'est fait intervenant par moment et qui a contribué à la richesse des débats. Merci beaucoup, évidemment, à Claire, à Lara et à Dominique pour leur implication et leur énergie qui ont permis à cette journée de se tenir. Et évidemment, merci à toutes les institutions, etc., diverses et variées, qui ont permis à cette journée de se tenir. Elles ont été citées ce matin, je ne vais pas revenir dessus. Et de